Deuxième partie, chapitre 5, Vatou. Jean Robin passa une journée remplie d'angoissantes délices, renfermé dans sa chambre, en face de la photographie d'Adrienne, précieux trésor qu'il avait suivi en Amérique et que pieusement il avait rapporté. Il eut des mots exquis de tendresse, d'ineffables balbutiements d'amour paternel, des pleurs et des rires, des clameurs de détresse et des explosions de joie. Adrienne fidèle, Adrienne pure, Adrienne aimante et mère. Après la longue et abominable torture soufferte en silence dans le secret de son cœur, c'était une radieuse allégresse à la savoir sienne encore, rien que sienne, et une lancinante inquiétude à se demander comment ils pourraient s'unir. Et l'enfant, sa fille, celle que déjà il adorait avec la fougue de son âme si longtemps comprimée, que n'eût-il donné pour l'avoir près de lui tout de suite, la manger de caresses, la dévorer de baisers goulus? Il y avait en lui un énorme arriéré d'amour. Et la passion éclatait sous une brusque poussée, comme les bourgeons d'une plante qu'on arracherait subitement à un terrain glacé pour la soumettre à une température de serre chaude. Le soir vint. Jean se rappela alors qu'il avait promis d'assister à la représentation de l'opéra et qu'il avait invité quelques personnages à venir partager sa loge. Il eut envie d'envoyer prévenir qu'il était retenu. Ce serait si bon de rester seul près de son feu, à continuer son rêve d'adoration. Puis tout à coup, il se décida. Il sentit le besoin d'entrer dans quelque chose d'éclatant, de lumineux, de voir des visages en fête, des femmes en toilette de soirée, de se griser des parfums ambiants et de la capiteuse atmosphère du théâtre. On jouait Rigoletto. Artiste vibrant, âme admirablement mélodique, Jean Robin adorait Verdi. L'audition de ce magnifique cri de tendresse éperdue qu'est Rigoletto lui avait toujours procuré des sensations inoubliables et intenses. Il s'habilla, partit, léger comme il ne l'avait jamais été, charmé maintenant de cette soirée où il rêverait d'Adrienne avec une joie plus âpre en écoutant les plaintes majestueuses de l'orchestration. Son entrée à l'opéra fit sensation. Les hommes se penchèrent pour voir. Les femmes le lorgnèrent avec le sans-gêne admis sur ce terrain neutre, et lui, souriait, n'entendait pas le mot « milliardaire » qui volait de bouche en bouche, soulevant un frémissement d'envie métallique, et il songeait « Regardez bien, il y a ici un homme heureux, un homme qui, il y a 24 heures, eût payé d'une fortune royale une seule des paroles qu'il porte en son cœur comme en un sanctuaire d'amour. » Et il s'abandonna, se perdit dans la joie infiniment douce de sa rêverie que berçaient les rythmes puissants du maître. Un sourd malaise vint l'arracher à la céleste contemplation de l'image tant idolâtrée. Il éprouva cette on ne sait quoi de magnétique qui force l'attention d'un homme, et son regard, invinciblement attiré, se posa sur un spectateur qui le fixait avec une obstination soutenue. Jean le désigna à l'un de ses invités. « Qui est-ce » demanda-t-il. « Le contre-jet de Charmeuse. » D'un puissant effort de volonté, Jean Robin maîtrisa son émotion. « Ah » fit-il simplement, et il détourna son regard du mari d'Adrienne. Mais il frémissait, et malgré sa puissance sur lui-même, il se sentit pâlir. Peut-être une vague intuition lui annonçait-elle une catastrophe prochaine. Elle se produisit 10 minutes plus tard. À l'entracte, Jean sortit dans les couloirs, au bras d'un ami, et il eut une soudaine contraction des muscles en apercevant à 10 pas de lui le comte de Charmeuse qui venait à sa rencontre. Le comte s'arrêta en face de Jean, et le regarda sans dire un mot. « Veuillez me laisser passer, monsieur, » fit Jean très simplement. Il essaya de passer en quittant le bras de son ami. Rouget de Charmeuse obliqua d'un pas rapide et se retrouva face à Jean. Celui-ci trembla du souverain effort qu'il accomplissait, les ongles rentrés dans les paumes de ses mains, pour ne pas relever la provocation du mari d'Adrienne. Et il répéta, d'une voix étrangement douce, « Écartez-vous, monsieur. » M'écarter, fit Roger assez haut pour être entendu de 50 spectateurs, le comte de Charmeuse ne cède la place à personne. On voit que monsieur revient de l'autre monde, ajouta-t-il avec une mordante insolence. Il ignore qu'à Paris les maçons ne sont pas admis dans la bonne société, sans quoi il ne se fût pas hasardé ici. Un silence pénible et stupéfait accueillit cette brutale et inexplicable provocation. Puis des murmures se firent entendre. « Il est ivre !» chuchotèrent même quelques personnes. Jean n'avait pas bronché. Il gardait un sourire qui, pour quiconque eût bien connu cette nature d'élite, eût été l'indice d'une terrible et tragique lutte intérieure. « Ho, ho !» s'écria le comte, en entendant les murmures de blâme s'élever autour de lui. « Monsieur a besoin de défenseurs !» Ceci n'a rien d'étonnant. On assure que le roi de la pierre est aussi comte de Charmeuse, interrompit sourdement Jean Robin, décidé à arrêter l'insulte qu'il prévoyait. Je ne me battrai pas avec vous, pas même si je vous soufflette, haleta Roger d'une voix rauque, pas même si je vous appelle le roi des lâches. En même temps, sa main se leva pour jeter au visage de Jean le gant qu'il pétrissait. Mais avant qu'il eût pu achever son geste, l'insulté avait saisi le poignet de l'insulteur, ses cinq doigts s'étaient refermés, tenailles vivantes, et, livide, le front en sueur, toujours son même sourire aux lèvres, sans effort apparent, Jean broyait la main du comte, la tordait, le forçait à se courber avec un hurlement de douleur. Lorsque Roger fut presque à genoux, Jean Robin le lâcha et dit, très calme, « Ramassez donc votre gant, monsieur le comte. »« Le tenez-vous pour reçu, au moins ?» hurla l'insulteur. « Il le faut bien, puisque vous voulez absolument que je vous tue. » Et, ces derniers mots prononcés avec une sombre tristesse, Jean s'éloigna. Dans le murmure confus qui suivit l'altercation, parmi l'unanime sympathie des spectateurs rangés en double haie sur son passage, et il regagna aussitôt son coupé. « Je suis perdu, » murmura-t-il en se laissant tomber dans les coussins. « Retrouvé, reperdu. » Et tandis que la voiture l'entraînait au grand trot de deux magnifiques steppers vers le somptueux et royal hôtel des Champs-Élysées, la tête dans les deux mains, le malheureux s'abandonnait à l'immense désespoir où il retombait. Il se voyait acculé à cet effrayant dilemme. S'il me tue, tout est fini. Si je le tue, il y aura toute la vie entre Adrienne et moi, l'infranchissable fossé du sang. Dans les deux cas, elle est perdue pour moi. Adieu, rêve de douce paternité. Adieu, bonheur. Adieu, amour. Le comte de Charmeuse, lui aussi, avait quitté l'opéra où il était venu chercher Jean Robin et le provoquer en public. Il s'en allait, tranquillement, à pied, en fumant un bon cigare. Et, paisible, il discutait son affaire. « Ce Robin est d'une bravoure incontestable, mais je ne suis pas non plus un trembleur. » Il est d'une habileté consommée à l'escrime et au pistolet. On affirme qu'il fait mouche 12 fois sur 12. Mais enfin, je passe également pour un bon tireur. On verra bien. Qu'est-ce que je risque? Ma peau, et voilà tout. Tandis que lui, si je la bats, tout peut encore s'arranger. Allons, la partie est engagée. Demain, les témoins. Et après-demain matin, le suprême coup de carte. Le va-tout.